Bitadiho. La mise en onde est assurée par François Akimana. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Le budget programme est une innovation qui devrait être soutenue. C'est l'observation du président de l'OLUCOM qui estime toutefois que ce budget devrait être exécuté dans la transparence. Le Burundi se joint au reste du monde pour célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. C'était ce mercredi 3 mai, mais des défis restent encore posés selon plusieurs opinions. On en parle dans cette édition. Le journal Burunga News dénonce le comportement d'un groupe de gens qui se sont arrogés le droit d'arrêter, torturer et blesser son journaliste Léon C. Chilambéré. C'était dans la nuit du 23 avril dernier à Bujumbura. Et puis certaines femmes fonctionnaires des communes Rugombo et Mugina de la province Cibitoke dénoncent des violences économiques commises à leur égard. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le budget général de l'État devrait être exécuté dans toute transparence. Propos du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM en sigle, lors d'un atelier ce mercredi sur la transparence du processus budgétaire. Gabriel Roussili, président de l'OLUCOM, trouve que le budget programme constitue une nouveauté qu'il faut soutenir. Suivez. C'est un programme qui est né dans le cadre de mettre en application la vision du chef de l'État que le Burundi en 2040 sera un pays émergent et en 2060 un pays développé. Mais pour que ce rêve soit une réalité, il y a des choses qui doivent être faites, notamment la mise en place effective du budget programme. Quand un budget programme n'est pas là, c'est très difficile qu'une vision soit vraiment mise en application. Donc, la compréhension de ces programmes, c'est quelque chose de capital. Et les gestionnaires de budget à tous les niveaux. Mais la première étape pour que la vision du chef de l'État soit réellement une vision réussie, il faut que les concernés puissent comprendre réellement le bien fondé de son programme. Parce que vous le savez, il y a des gens même qui ont combattu ce programme, donc le budget programme. Il faut que tout le monde soit impliqué. Donc, si les gens sont sensibilisés, nous pensons que les choses pourront aller mieux. C'est un beau début parce que, comme vous le savez, toutes les réformes, tous les projets, il y a des principes de base. D'abord, nous avons une vision. Donc, c'est une vision importante. En plus de cette vision, il doit y avoir des stratégies au niveau sectoriel pour opérationnaliser la vision. Mais aussi, il y a ce budget programme qui est pareil une nouveauté au Burundi. Le budget programme va mettre en application annuellement cette vision et ces stratégies. Mais aussi, il y a quand même quelque chose d'important, c'est le suivi et évaluation. Les journalistes en ligne ont besoin de formations pour qu'ils puissent travailler en respectant les lois régissant le métier. Cela a été dit ce mercredi par Mireille Kanyang, présidente de la Maison de la Presse, lors de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. La présidente du Conseil national de la communication dit de son côté avoir mal accueilli le classement de Reporters sans frontières qui place le Burundi à la 114e position sur les 180 pays enquêtés. Elle se réjouit. Vestine Nahimana se réjouit toutefois que le Burundi reste et le premier pays sur les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est par rapport à ce rapport de Reporters sans frontières. Jean-Marie. La célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse de cette année arrive au moment où le rapport de Reporters sans frontières vient de sortir un classement de la liberté de la presse selon lequel le Burundi a perdu cette place comparativement à celui de l'année passée. Vestine Nahimana, présidente du Conseil national de la communication, fait savoir qu'au niveau de la CNC, il faut détecter les causes de ce recul, tout en précisant qu'elle se réjouit du fait que le Burundi est classé première dans les pays de la communauté d'Afrique de l'Est. RSF vient de qualifier, encore une fois, de classer le Burundi cette place derrière au niveau du monde entier. Pour moi, je considère que ce sont des leçons à apprendre qui nécessitent de voir détecter les causes de ce recul pour que nous puissions les travailler là-dessus, afin que pour l'année prochaine, nous puissions avancer d'au moins 20 places ou 50. Katamire Kanyange, présidente de la maison de la presse au Burundi, indique que les rumeurs qui sont propagées par les médias en ligne seraient à l'origine de ce recul. Elle demande le renforcement des capacités pour les journalistes qui exerceraient les métiers sur les réseaux sociaux. Il y a des critères sur lesquels Reporters sans frontières s'est appuyé, mais vous l'avez entendu avec moi, il y a des grognes parmi même les journalistes que la qualité du travail du journaliste aujourd'hui laisse à désirer. Je me dis qu'avec ce recul du Burundi dans le classement de Reporters sans frontières et je marie avec les grognes de certains des journalistes, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc une qualité qu'on a perdue quelque part, qu'il faudrait qu'on remette sur les rails. Il faut donc des formations en particulier envers les jeunes journalistes, pour nos journalistes aussi seniors, pour qu'ensemble on puisse relever le niveau des contenus médiatiques. Ce rapport dit Reporters sans frontières sorti ce mercredi 3 mai classe le Burundi sur sa 14e place au moment où il occupait sa 7e position sur le classement de l'année passée. C'est le seul classement de RCF. Le Norvège vient en tête au moment où la dernière place revient au Corée du Nord. Les médias ont des difficultés liées aux moyens financiers. Déclaration de François-Xavier Moulera, représentant du centre de recherche à l'université du lac Tanganyika. C'était ce mercredi dans un atelier de dissémination des résultats de recherche sur la professionnalisation des médias. François-Xavier Moulera ajoute qu'on observait des nouveaux journalistes qui ne sont pas professionnels dans le métier. Il demande qu'il y ait des formations à leur égard. Le secteur des médias aujourd'hui fait face à beaucoup de défis. Le premier défi, c'est la jeunesse des journalistes d'aujourd'hui qui n'ont pas assez d'expérience. Cela date depuis 2015 lorsque certains journalistes ont quitté le pays. Il y en a d'autres qui se sont lancés qui n'ont pas assez d'expérience pour conduire ce métier de journalisme dans avec toutes les règles de l'art, et il y a le besoin en fait de professionnaliser en fait ce secteur, y compris en fait ces jeunes journalistes qui sortent du banc de l'école sans beaucoup d'expérience. Ils ont besoin d'un encadrement, ils ont besoin de professionnalisme, ils ont besoin en fait d'être renforcés. L'autre défi, c'est le défi qui concerne le financement des entreprises médiatiques, en fait leur viabilité financière. Parce que la plupart vivent des appuis extérieurs, ce qui les limite dans les différents sujets qui sont abordés, parce que lorsqu'un bailleur finance un média, il a une ligne éditoriale qui est privilégiée, mais peut-être une ligne qui en fait ne couvre pas tous les besoins d'information qui sont ressentis par le public. Donc c'est un peu ça, ce qui devait être fait alors. Tous les acteurs des médias, à commencer par le ministère de tutelle, le CNC, et les entreprises médiatiques, et les universités qui forment les journalistes, devaient se mettre ensemble pour décortiquer ces défis, échanger autour de ces défis et trouver des solutions adéquates, idoines pour plus professionnaliser ce secteur, qui est l'un des maillons en fait de développement, de démocratie et de cohésion sociale dans chaque pays, comme notre pays. Le journal Burunga News dénonce le comportement d'un groupe de gens qui se sont arrogés le droit d'arrêter, torturer et blesser le journaliste Léon Sechilambele. Cela a eu lieu dans la nuit du 23 avril dernier au quartier Gikung rural, selon un communiqué. Léon Sechilambele a été arrêté par des gens qui disaient être en train de faire la patrouille. À la tête du groupe se trouvait un certain Edouard Ndachaïsaba, qui est en même temps un des responsables à la base dans cette localité, toujours à lire le communiqué. Le journal Burunga News demande à l'administration communale de Ntahangwa et à la mairie de Bujumbura non seulement de veiller à la sécurité de ce journaliste, mais aussi de suivre de près le comportement de certains administratifs qui s'arrogent le droit de violenter les passants dans un pays exportateur de paix. Réunification du parti UPRONA ce mercredi entre le camp Ngaïmenda Évariste et ses alliés et celui d'Olivier Nkurunziza reconnu par le pouvoir de Gitega après plus de 13 mois de négociations. C'est la déclaration du président de cette formation politique, Olivier Nkurunziza, qui précise que le but est de redynamiser le parti de Rwagasore. De son côté, Évariste Ngaïmenda précise que le choix de cette réunification est motivé par deux points essentiels. Le proverbe « l'union fait la force et la responsabilité civique » de l'UPRONA. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page sécurité pour vous dire que trois personnes, un veilleur et deux élèves de l'école fondamentale de Kabugabuga en commune et Bugarama de la province de Lumonge, sont dans les mains de la police et judiciaire de Bugarama depuis ce mardi. La police dit enquêter sur leur probable responsabilité dans l'incendie de certains documents, dont les bulletins scolaires, un incendie constaté le matin de ce 2 mai courant. Augustin Sibomana, inspecteur en chef dans la direction communale de l'enseignement à Bugarama, confirme mais l'incendie et demande à la justice de s'y pencher pour que la vérité puisse éclater au grand jour. Jean-Pierre Misago. Il s'agit des bulletins scolaires et des attestations de fréquentation des élèves accueillis cette année scolaire à l'école fondamentale de Kabugabuga, ainsi que certains extraits de naissance des élèves de première année qui ont été complètement calcinés. D'autres bulletins, papier et quatre registres, dont deux pour l'enregistrement des points des élèves, partiellement brûlés, sans pour autant faire disparaître leur contenu, selon des informations obtenues de cette école. Les élèves de la 4e année, accompagnés des enseignants stagiaires, ont été les premiers à faire ce constat ce mardi matin, sentant une odeur de carburant et d'objets calcinés de leur entrée dans la salle de classe dont le fond est occupé par la direction de cette école. Ils ont ensuite alerté et après vérification, la directrice de cette école a effectivement remarqué que certains de ces documents étaient complètement ou partiellement incendiés en utilisant du pétrole dont le contenant a été retrouvé sur place selon les propos de la directrice de cette école. Jusque ce 3 mai 2023, les auteurs de ce forfait passaient par la fenêtre après avoir enlevé l'un des tubes protecteurs des vitres et qui sont partis avec les livres d'élèves dont l'effectif est resté encore à déterminer, n'était pas encore connu. Entre-temps, le veilleur et des élèves à cette école sont sous interrogatoire. Augustin Sibomana, inspecteur en chef de la commune scolaire de Bugarama, condamne sans réserve cet acte visant à faire disparaître certains éléments constitutifs des dossiers d'élèves et demande pour cela que les instances compétentes s'y mettent afin d'identifier les coupables et les punir exemplairement pour éradiquer à jamais ce comportement. Jean-Pierre Misago depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Six élèves seulement issus des familles de la communauté des Batois en commune et province de Kayanza sont inscrits au cycle post-fondamental cette année scolaire 2022-2023. Propos d'Adelin Nizigimana, le directeur communal d'enseignement qui indique que la pauvreté dans les ménages et l'ignorance de l'importance de l'école sont certaines des causes de l'abandon scolaire chez des jeunes élèves Batois. Il l'a dit ce mardi dans un atelier d'échange entre l'administration et les représentants des partis politiques dans cette commune, un atelier organisé par la DISCO. Les participants à la séance se sont convenus à contribuer pour la scolarisation de ces enfants. Patrick Sengiyoumv. D'après Adelan Izigimana, le directeur communal de l'éducation à Kayanza, cette année scolaire, on enregistre un nombre de 191 élèves issus des familles et des Batois composés respectivement de 100 garçons et 91 filles. Parmi ces élèves, 156 sont des trois premiers cycles, c'est-à-dire de la première année à la sixième année, 29 du quatrième cycle, c'est-à-dire de la septième à la neuvième année, et 6 du poste fondamental. Ce responsable scolaire fait savoir que des enfants Batois abandonnent beaucoup l'école avant d'arriver au poste fondamental. Adelan Izigimana, s'il était Parmi les causes du décrochage scolaire célébatoire, la pauvreté dans les ménages, l'ignorance vis-à-vis de l'importance de l'école et souvent le manque du matériel scolaire. Pourtant, il ne mâche pas les mots en dénonçant certains habitants de la communauté des Batois qui se prennent encore pour des primitifs et ne cherchent pas à changer. Les participants à l'atelier qui se sont dit d'accord avec Adeline Zigimana ont indiqué que pour arriver au développement durable des Batois, il faut d'abord qu'il y ait changement de mentalité chez cette couche sociale. Ils ont promis d'appuyer les jeunes Batois scolarisés et la DISCO a promis également de donner aux familles de ces Batois des semences et des fertilisants. Dans cette même optique d'appuyer les familles des Batois en commune Kayanza, cette organisation qui est la DISCO a également promis la réalisation d'un projet lié à l'accessibilité à l'eau potable par ces Batois, selon Barthazar Sibondavi, le chef de file des organisations de la société civile opérant en commune Kayanza. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Sanganilo. Certaines femmes et fonctionnaires des communes Rugombo et Mugina de la province de Cibitoke dénoncent des violences économiques commises à leur égard. Elles renseignent que leurs maris retirent de l'argent sur leurs comptes bancaires à leur insu et l'utilisent pour des fins non consensuelles. Cela impacte négativement la vie des enfants, selon ces femmes. Au sein de l'administration de ces communes, l'on conseille chaque fois à ces couples de mettre en avant le bien de la famille. Le point avec Moïse Misago. Selon ces femmes fonctionnaires, ces violences économiques dont elles sont victimes se manifestent notamment par le retrait de l'argent sur leur compte par certains maris sans aviser leurs épouses. Ces femmes précisent que l'argent retiré n'est pas utilisé pour le bien de la famille. Ces femmes rencontrées sur les collines Muyang et Lusagala de la commune Mugina dénoncent ce genre de comportement qu'elles qualifient d'exploitation. Des fois, leurs maris contractent des crédits à leur insu, ce qui revient à leur charge pour le remboursement. Des conséquences tombent sur l'éducation des enfants et par après hypothèquent le développement de leur foyer. Au sein de l'association des femmes rapatriées du Burundi Afrabou, l'une des organisations qui milite pour les droits des femmes, l'on essaie de réconcilier des couples en pareille situation. Nishima Gizwe Regine, représentante de cette organisation à Mugina, précise qu'en cas d'échec du règlement à l'amiable, l'affaire est transmise à la justice. Au sein de l'administration de la commune Mugina, l'on affirme avoir eu connaissance des cas pareils de violences économiques à l'endroit des femmes. Jean Hunzimana, conseiller chargé de l'administration et des affaires sociales, appelle le conjoint à prioriser le bien du foyer. Cet administratif chargé des affaires sociales précise également que 80% des couples qui se confient à l'administration parviennent à être réconciliés. Parle, rassure-moi. Des blessures du passé non traitées sont l'une des causes de la résurgence des messages de haine à l'approche ou à la veille de la commémoration des événements douloureux. Jean Bosco Harerimana, expert en matière de justice transitionnelle et enseignant d'université, explique que les jeunes sont les plus impliqués, ayant une information incomplète racontée par leurs proches. L'attitude à prendre alors, pendant ces périodes, c'est de prendre le temps d'équilibrer l'information. Ornella Mucho. La résurgence des messages haineux à l'approche ou à la veille de la commémoration des événements douloureux du passé est liée à plusieurs causes, dont les blessures du passé non traitées, comme l'explique l'expert en justice transitionnelle Jean Bosco Harerimana. Une autre explication, c'est d'abord à la revendication des victimes, parce que les victimes de différentes crises ne voient pas leur espace d'expression. Il n'y a pas d'autre. Oui, il y en a, il y a des associations de victimes, il y a même des coalitions, il y a, c'est-à-dire des organisations qui ont formé des alliances où ils peuvent s'exprimer de temps en temps, provoquent chez eux une sorte d'un sentiment de manque d'espace, d'expression, de reconnaissance par l'opinion publique, que ce soit au niveau local, au niveau intermédiaire, au niveau communal, provincial ou au niveau national, même international. Les jeunes sont les plus impliqués dans la propagation de ces messages parce qu'ils sont incités par leurs aînés, considérés comme de modèles. Les jeunes semblent plus impliqués que les autres, même s'ils n'ont pas vécu ces événements, parce qu'ils ont un manque criant d'éclairage. Les jeunes, souvent, savent une vérité bornée, une vérité qui se limite à leur colline, à leur commune, à leur village, à leur famille, et ils ne savent que ça. Et donc, quand ils expriment les idées de leur socialisation familiale, communautaire, qui leur a dit ce qui s'est passé mais sans être complet, sans amener d'autres perspectives, sans élargir les horizons vers d'autres communautés, d'autres communes, d'autres zones géographiques. Cet expert propose des voies de sortie pour faire face à son comportement. La première attitude, c'est d'abord de se placer dans le contexte et de voir pourquoi commémorer. Pourquoi est-ce qu'on commémore ? On commémore parce qu'on a souffert. On commémore parce que, pour dire que ce qui est arrivé n'arrive plus jamais, le plus jamais. Jean Bosco Harerimana interpelle les jeunes de toujours trianguler les informations qu'ils reçoivent pour éviter de propager les messages haineux pouvant mener de nouveau jusqu'aux violences de masse. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis et gardez l'écoute. Nos programmes continuent sur Isanganiro.